addicts au rap, il me faut ma dose. J'suis pas venu ici pour me vanter, j'raconte seulement les résidences à cause. À l'esprit tourmenté, j'trouve l'inspire à l'heure où la lune se lève quand le ciel devient noir. Ma bonne étoile s'élève, mais j'sais pas si elle veut bien me voir. Le vice m'attire si vite, oui, moi et mes potes panettes. J'rêve souvent de partir d'ici, fuir sur une autre planète. Souvent ça vire au drame, on passe du rire au là. Trop de choses à dire au mic, j'brûle tout comme un pyromane. La vie fout le seum comme quand une grosse te pute laisse en blanc. Dehors c'est le spell, donc tous les soirs les gosses de rue traînent en bande. J'm'en bats les couilles de ce que les gens pensent, j'resterai là sans vous. L'air jeune et brave, ouais, j'tabasse la concurrence à grands coups de plaie. C'est par là, j'vais pas me rater, j'monte vite les paliers. C'est pas grave, j'escalade si j'vois pas d'escalier. C'est le coup de perte, l'espace et guette la mise en scène. Des couplets aptes à t'effacer, j'en ai plus de 1000 en tête. Hey, le monde est crade, trop de salissures s'y trouve. On s'écrase entre nous, putain, c'est donc ça l'issue de secours. Conscient de notre décalage, le regard souligné de serre. On se détruit avant l'âge, à force de voir nos aînés le faire. C'est dur, mais j'bosse à fond, j'mets des grandes baffes au maître. J'veux plus côtoyer les bafons ni les bras de baphomètre. Des règles bafouées, j'crois qu'on sait tous si elle débat. Ouais, faut l'avouer, les comptes sont vides à la caisse des bas. Acharné, j'm'élance même à la vue des yeux. Fais pélec, j't'arracherai les jambes si t'essaies de marcher sur mes yeux. J'repense à mes rêves brisés, j'priais pour les maîtriser. J'revois ma mère crisée, j'priais quand mon père teasait. J'me la joue pas gangsta, non, j'suis qu'un sale gamin. Compare pas ceux qui pour 20 balles arrachent un sac à main. J'monte, tu t'inquiètes, normal, tu vises le sol. Prépare-toi bien, j'arrive en fond de 5e sur la file de gauche. J't'emmerde et j'vis libre, lance la procédure vide. J'vais finir par perdre l'équilibre à force de me rapprocher du vide. Putain, parle sur moi, peu me connaissent pour de vrai. Trop de bails sournois, j'différencie les collègues et les refrais. Y'a plus d'éthique, les tafs cadenassent et les vivres. Nique la politique, même nos darons pas caillassent et les flics. Les pitbulls s'étendent à force de mordre. Rêve d'une pluie de boules de pétanque sur les forces de l'ordre. Arrête. Me la joue pas gangsta. Je suis qu'un sale gamin. Me la joue pas gangsta. Je suis qu'un sale gamin. Me la joue pas gangsta. Je suis qu'un sale gamin. Compare pas ceux qui pour 20 balles arrachent un sac à main.